précieuse de ma vie. Tu es l'or massif de mes nuits. Tu es le petit mais que je n'oublierai jamais. Celui qui pique et peut me faire pleurer. Et l'ail sont les deux éléments qui te résument. L'eau et l'ail, l'eau et l'ail, l'eau, je t'aime, l'eau et l'ail. Tu es arrivé un soir de solitude comme un ange gardien dans un prélude. D'un sourire, tu les as toutes envoyées chier. Les connes, les poufias et les cinglés. L'or et l'ail sont les deux éléments qui te résument.